Chapitre 20e, le capitaine Prodder. Pendant que le train express de Doncaster emportait vers le nord Mr. et Mrs. Mellish, un autre train express voyageait de Liverpool à Londres avec son chargement de voyageurs. Parmi ceux-ci se trouvait un certain individu, aux épaules larges et au cou de taureau, qui avait considérablement attiré l'attention pendant le voyage et avait été l'objet de quelque intérêt pour ses compagnons ainsi que pour les employés du chemin de fer aux deux ou trois stations où le train s'était arrêté. C'était un homme d'environ 50 ans, mais il ne paraissait pas les avoir, et il n'accusait cet âge que par quelques filets gris qui se voyaient au milieu de son épaisse chevelure d'un noir de jais. Son teint, naturellement brun, était devenu tellement bronzé et cuivré par l'action du soleil du midi, des vents brûlants des tropiques, du souffle ardent du simoun, et des autres légers inconvénients d'une existence vagabonde, qu'on l'eût volontiers pris pour un habitant de quelques-uns de ces pays dans lesquels le teint des habitants flotte entre la terre de sienne brûlée, le rouge indien et le brun vandique. Mais cette erreur était bien vite rectifiée par lui, et il n'était pas long à trouver l'occasion d'exprimer son souverain mépris et son aversion profonde pour tous les étrangers, ce qui est naturel au vrai breton pur sang. D'après cela, il n'avait pas passé plus d'une demi-heure avec ses compagnons de route, qu'il leur avait appris qu'il était natif de Liverpool et capitaine d'un navire marchand, faisant le commerce, comme il disait, un peu partout. Que, bien jeune encore, il avait quitté son père et sa patrie, et que depuis lors il s'était faufilé dans les différentes parties du globe. Que son nom de baptême était Samuel, et son nom de famille Prodder. Que son père avait été, comme lui, capitaine au long cours. Il chiquait une si grande quantité de tabac et buvait tant de rhum de la Jamaïque qu'il avait dans une poche de côté, pendant les intervalles de la conversation, que le compartiment de première classe dans lequel il se trouvait était embaumé par ce double parfum. Mais c'était un si bon compagnon, parlant haut et souvent, il y avait un éclair si agréable dans son œil noir, que les voyageurs, à l'exception d'une vieille dame maussade, le traitaient avec la meilleure humeur et écoutaient ses récits avec attention. « Chiquet n'est point fumé, vous savez cela, » dit-il avec un formidable éclat de rire, tout en se coupant un énorme morceau de Cavendish. Et les compagnies de chemin de fer n'ont pas de règlement qui défende cela. Ils ont le droit de faire éteindre la pipe d'un individu, mais cet individu a aussi le droit de mâcher son cigare à leur nez, quoique je ne prétende pas que cela ne soit pas plus pire pour le tapis, bien entendu. Je suis fâché d'être obligé d'avouer que ce capitaine marchand au visage bronzé, qui disait plus pire d'une si drôle de façon et qui chiquait du Cavendish, était l'oncle de Mrs. Mellish, de Mellish Park, et que le but de son voyage n'était ni plus ni moins que le désir de faire connaissance avec sa nièce. Il mentionna ce fait, ainsi que beaucoup d'autres détails sur son compte, ses goûts, ses habitudes, ses aventures, ses opinions et ses sentiments, à ses compagnons de voyage dans le courant de la route. « Savez-vous pourquoi je vais à Londres par le train où nous sommes ? » demanda-t-il en s'adressant à tout le monde à mesure que les voyageurs prenaient place après s'être rafraîchis à la station de Rugby. À cette question du brave marin, les hommes déplièrent leurs journaux et une jeune dame cherchait son livre. Mais personne ne se hasarda à donner son opinion touchant le but des actions de M. Prodder. « Je vais vous dire pourquoi, » reprit le capitaine en s'adressant à l'assemblée comme pour répondre à une impatiente demande. « Je vais voir ma nièce que je ne connais pas encore. Lorsque je désertais le navire de mon père, le Ventersome, il y a bientôt 40 ans, et que je m'embarquais dans l'équipage d'un capitaine du nom de Mowbray, qui fut bien longtemps un bon maître pour moi, j'avais une petite sœur que j'avais laissée à Liverpool et qui m'était plus chère que la vie. » Il s'arrêta pour se rafraîchir avec une gorgée qu'il prit dans la bouteille placée dans sa poche de côté. « Mais si vous, » il continua à s'adresser à tout le monde, « si vous aviez un père qui vous avait envoyé une calotte sur la tête aussi vite que la parole, vous auriez déserté peut-être aussi la maison, comme je fis. » Je saisis l'occasion de m'éclipser, une nuit que mon père mettait à la voile du port de Yarmouth. Il ne me laissait pas les énormes provisions que quelques parents laissent à leur unique enfant. Il leva l'ancre, sans s'arrêter pour me faire bien des questions, et me laissa cacher dans une des nombreuses petites ruelles qui coupent Yarmouth en tous sens, comme on coupe les gâteaux qu'on y fabrique. Beaucoup de gens me connaissent dans Yarmouth, et pas une seule personne ne se trouva pour dire autrement que « c'est bien fait », lorsqu'on apprit comment j'avais joué ce tour à mon père. Et le lendemain, le capitaine Mowbray me prit à bord du Maria Anne en qualité de mousse. M. Prodder s'arrêta de nouveau pour s'offrir un rafraîchissement pris dans son magasin, et cette fois il offrit poliment la bouteille à la compagnie. Maintenant, peut-être, n'allez-vous pas me croire ? Continua-t-il après que son offre obligeante eût été refusée et que la bouteille recouverte d'osier eût été replacée dans sa vaste poche. Vous ne me croirez pas lorsque je vous dirai franchement, comme je vous le dis, que jusqu'à samedi dernier, je n'ai pas pu trouver le temps de retourner à Liverpool et de m'informer de la petite sœur que j'avais laissée pas plus haute que la table de cuisine et qui avait pleuré à se fendre le cœur lorsque je partis. Mais, que vous le croyez ou non, c'est aussi vrai que l'Évangile, s'écria le marin, donnant un vigoureux coup de son énorme poing sur le support rembourré du compartiment qu'il occupait. « C'est aussi vrai que l'Évangile. J'ai côtoyé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. J'ai porté les marchandises des Indes orientales aux Indes occidentales et des Indes occidentales aux Indes orientales. J'ai fait le commerce des marchandises norvégiennes entre la Norvège et Hull. J'ai transporté des produits de Sheffield, de Hull, dans l'Amérique du Sud. J'ai voyagé pour le commerce dans toutes sortes de pays, dans toute espèce de port, mais je ne sais pourquoi je n'ai jamais eu un moment pour débarquer à Liverpool. » Afin de retrouver la ruelle étroite dans laquelle j'avais laissé ma sœur Elisa, pas plus haute que la table, il y a plus de 40 ans, jusqu'à samedi dernier. Samedi dernier, il y a une semaine, je touchais à Liverpool avec un chargement de fourrures, de plumes de perroquet, et ce que vous pourriez appeler des marchandises de fantaisie. Et je dis à mon second, je lui dis, « Je vais vous dire, Jack, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais descendre à terre et voir ma petite Elisa. » Il fit une nouvelle pause, et un air de douceur couvrit la flamme de ses yeux noirs. Cette fois, il ne s'adressa point à la bouteille d'osier. Cette fois, il essuya du dos de sa main bronzée ses cils et la ramena avec une larme ou deux sur sa peau. Sa voix même avait subi un changement lorsqu'il continua. Elle était devenue plus sonore et plus grave, jusqu'à ce qu'elle eût atteint cette mélodieuse assonance qui, 21 ans auparavant, avait tant contribué à faire de Miss Eliza Percival l'actrice populaire des théâtres de Preston et de Bradford. « Dieu me pardonne, » continua le marin de sa voix changée, « mais dans tous mes voyages, je n'avais jamais pensé à ma sœur Elisa que de deux façons, quelquefois d'une manière, quelquefois d'une autre. L'une de ces façons de penser à elle était d'espérer la retrouver petite fille telle que je l'avais laissée, pas une boucle de cheveux changée, toujours semblable à ce qu'elle était lorsqu'elle avait sangloté, en s'attachant après moi, lorsque je m'étais embarqué à bord du Ventersome, car elle y était montée pour dire adieu à mon père et à moi. Le plus souvent, je pensais à elle de cette manière-là. Et c'est ainsi que je la voyais dans mes rêves et pas autrement. L'autre façon de penser à elle était d'espérer la retrouver sous la forme d'une belle femme, grande et fraîche, mariée, avec une bande d'enfants terribles suspendue au cordon de son tablier, et tous lui demandant ce que leur oncle Samuel leur avait apporté des pays étrangers. Il est vrai que cette façon était la plus rationnelle des deux. Mais l'autre idée que je me formais, celle de la petite fille aux boucles brunes frisées, me revenait plus souvent à l'esprit, surtout la nuit, lorsque tout était calme au large, et lorsque je prenais le gouvernail pour donner un coup de main pendant que le pilote tournait la roue. Dieu vous bénisse, messieurs et dames, bien des fois, pendant une nuit étoilée, lorsque nous nous trouvions dans ces latitudes où les étoiles sont plus brillantes que communes, j'ai vu le brouillard flottant sur l'eau prendre la forme de cette frêle figure de petite fille en tablier blanc, et venir en sautillant vers moi à travers les vagues. Je ne prétends pas dire que j'ai vu un fantôme, entendez-vous bien? Mais je veux dire que j'aurais pu en voir un si j'avais voulu, et que j'en ai vu autant que personne sur terre. Les autres ne voient que les fantômes de leur mémoire et de leur propre chagrin, mêlés au brouillard de la mer, ou l'ombre des arbres se balançant en avant et en arrière, au clair de lune, ou sur un rideau blanc de fenêtre, ou quelque chose de la sorte. Eh bien, j'étais un tel vieux fou, avec ses idées et ses fantasmagories. M. Samuel Prodder semblait être fier du dernier mot, comme d'un mot plus ordinaire, que lorsque je descendis à terre à Liverpool, il y aura samedi 8 jours, je ne pouvais détacher mes yeux des petites filles en tablier blanc qui passaient près de moi dans la rue, croyant voir mon Elisa sautillant, avec ses boucles brunes flottant au vent et un morceau de craie à la main pour jouer à cloche-pied, de sorte que j'étais obligé de me dire tout à fait sérieusement, « À présent, Samuel Prodder, la petite fille que tu cherches doit avoir 50 ans, si elle vit encore. » Et il est plus que probable qu'elle a cessé de jouer à cloche-pied et de porter des tabliers blancs. Si je ne m'étais point répété cela intérieurement tout le long de la route, j'aurais arrêté la moitié des petites filles de Liverpool pour leur demander si elles ne s'appelaient pas Elisa, et si elles n'avaient point de frère qui s'était enfui de la maison et qui était perdu. Je n'avais que la seule idée de la retrouver, et le meilleur moyen était de marcher droit vers la ruelle dans laquelle je me rappelais l'avoir laissée 40 ans auparavant. je ne pensais pas que ces 40 années eussent pu opérer d'autres changements que d'une jeune fille avoir fait une femme. Et il me semblait extraordinaire qu'il pût y avoir autre chose de modifié. Il y avait une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Et si mon cœur battait fort et si vite, lorsque je frappais à la petite porte de devant de la même petite maison que nous avions habitée, c'était d'espérance et de joie. Les 40 ans qui avaient sillonné de chemin de fer le sol de l'Angleterre n'avaient que peu changé la vieille maison. Elle était de 40 ans plus sale, peut-être, et plus décrépite de 40 ans, et elle se trouvait placée au centre même de la ville, au lieu d'être située sur les limites de la campagne. Mais, excepté cela, elle était encore assez jolie, et je m'attendais à voir la même propriétaire venir m'ouvrir la porte, avec les mêmes fleurs artificielles fanées sur son chapeau et les mêmes vieilles chaussures éculées traînant derrière elle le long du vieux tapis de toile cirée. Je fus saisi lorsque je n'ai vu plus cette même propriétaire, quoiqu'elle aurait pu avoir une 100aine d'années si elle eût vécu encore. J'aurais pu me préparer à cette contrariété si j'avais réfléchi à cela, mais je ne l'avais point fait. Et lorsque la porte me fut ouverte par une jeune femme aux cheveux blonds, relevés sur le front et ramenés en arrière comme ceux d'une chinoise, ayant à peine trace de sourcils pour ainsi dire, je fus réellement désappointé. La jeune femme portait un petit enfant dans ses bras, un marmot aux yeux noirs, et tellement ouvert qu'on eût dit qu'il avait été fort surpris des choses qu'il avait vues en venant au monde, et qu'il n'était pas encore revenu de son étonnement. De sorte que je me dis à moi-même, aussitôt que j'eus examiné l'enfant, « Mais aussi sûr qu'un canon, c'est l'enfant de ma sœur Elisa, et ma sœur Elisa est mariée et demeure encore ici. » Mais la jeune femme n'avait jamais entendu prononcer le nom de Prodder, et ne pensait pas qu'il y eût quelqu'un de ce nom dans le voisinage. Je sentis mon cœur, qui avait battu avec tant de force, s'arrêter tout à coup lorsqu'elle me dit ces quelques mots, et je me sentis comme défaillir. Puis je la remerciai de sa politesse à répondre à mes demandes, et je m'adressai à la maison voisine. J'aurais bien pu m'éviter cette peine, car je fis les mêmes questions dans chaque maison, à droite et à gauche de la rue, allant de porte en porte, si bien que tout le monde croyait que j'étais un receveur d'impôts. Mais personne n'avait connaissance du nom de Prodder, et le plus ancien habitant de la rue n'y avait pas demeuré plus de 10 ans. J'étais complètement découragé lorsque je quittai le voisinage qui m'avait été si familier autrefois et qui maintenant me semblait si étranger, si petit, si misérable. J'étais tellement persuadé de retrouver Elisa dans la maison dans laquelle je l'avais laissée que je n'avais point formé d'autre plan pour plus tard. J'étais complètement abattu et je retournai à la taverne où j'avais laissé mon sac de nuit. Je me fis servir une côtelette pour mon dîner et je restai mon couteau et ma fourchette devant moi en songeant à ce que j'allais faire ensuite. Lorsque, 40 ans auparavant, Elisa et moi nous étions séparés, je me rappelais que mon père l'avait confiée aux soins d'une sœur de ma mère. Ma pauvre mère était morte l'année d'avant, et je pensais que la seule chance qui me resta, c'était de retrouver ma tante Sarah. Quand M. Prodder en fut arrivé à cette période de son discours, ceux qui l'écoutaient s'étaient fatigués peu à peu. Les hommes étaient revenus à leurs journaux, la jeune femme à son livre, de façon que le capitaine se trouvait réduit à raconter ses aventures à un jeune homme paraissant posséder un bon naturel, qui semblait s'intéresser au marin bronzé et qui l'encourageait de temps en temps par un mouvement de tête ou par un amical. Hein, certainement. La seule chance que je puisse avoir, me dis-je, continua M. Prodder, c'est de retrouver ma tante Sarah. Je découvris ma tante Sarah. Elle tenait une boutique de marchandises au détail lorsque je partis il y a 40 ans. Et elle tenait la même boutique quand je revins il y aura samedi 8 jours, et il y avait les mêmes écriteaux annonçant les navires en partance, et ceux qui étaient partis il y a 2 ans selon la date inscrite sur les billets, et les mêmes pains de sucre en bois enveloppés dans du papier blanc, et la même porte à claire-voie avec une sonnette qui tintait aussi fort que si elle eût voulu donner l'alarme à tout Liverpool, aussi bien qu'à ma tante Sarah, qui se tenait d'ordinaire dans l'arrière-boutique. La pauvre vieille créature était derrière son comptoir, servant 2 onces de thé à une pratique lorsque j'entrais. 40 années avaient apporté chez elle un tel changement que je ne l'eusse point reconnu si je n'eusse reconnu la boutique. Elle avait des papillotes noires sur le front et une broche, comme une espèce de papillon, en cuivre placé dans les boucles, à l'endroit où il y aurait dû en avoir, et elle avait de la barbe. Les cheveux étaient faux, mais la barbe n'était point fausse. Sa voix était forte et mâle, et elle me paraît être devenue plus mâle aussi depuis mes 40 années d'absence. Elle fit cela les 2 onces de thé et me demanda ce que je désirais. Je lui répondis que j'étais le petit Sam et que je voulais ma sœur Elisa. Le capitaine s'arrêta et regarda par la portière pendant plus de 5 minutes avant de reprendre son récit. Lorsqu'il le fit, ce fut à voix basse, et il scanda ses phrases, comme s'il eût craint, en les faisant trop longues, d'être obligé de s'arrêter au milieu. Elisa était morte il y avait 21 ans. La tante Sarah me donna tous les détails nécessaires. Elle avait appris à faire des fleurs artificielles, et n'avait point trouvé cet état de son goût puisqu'elle s'était fait actrice. À 29 ans, elle s'était mariée. Elle avait épousé un individu qui ne connaissait pas sa fortune. Il était parti pour demeurer dans un charmant endroit dans le comté de Kent. J'ai le nom quelque part dans mon agenda. Mais elle avait été bonne et généreuse pour la tante Sarah. Et la tante Sarah devait aller dans le comté de Kent la voir et passer tout l'été auprès d'elle. Mais pendant que la tante Sarah faisait ses préparatifs pour aller visiter sa nièce, ma sœur Elisa mourut, laissant une fille, qui est la nièce que je vais voir à présent. Je m'assis sur un tabouret de bois derrière le comptoir. Je cachai mon visage dans mes mains, et je songeais à la petite fille que j'avais vue il y a 40 ans jouant en cloche-pied. Je croyais que mon cœur allait se briser, mais je ne versai pas une larme. La tante Sarah ôta une large broche de son col et me montra une boucle de cheveux noirs derrière un verre avec un cercle d'or autour. « Monsieur Floyd avait fait faire cette broche exprès pour moi, dit-elle. Il a toujours été très généreux pour moi. Il vient à Liverpool une fois tous les 2 ou 3 ans et prend le thé avec moi dans la salle à côté. Et je n'aurais pas besoin de tenir boutique si je voulais, car il me fait une rente convenable. Mais je mourrais d'ennui si je cessais le commerce. » Le nom d'Elisa et la date de sa mort étaient gravés derrière la broche. J'essayais de me rappeler où j'avais été et ce que j'avais fait cette année-là. Mais je ne le pus, monsieur. Toute l'existence que je cherchais à rappeler à mes souvenirs était mêlée et embrouillée comme un rêve. Et je ne pouvais songer qu'à la petite sœur, à laquelle j'avais dit adieu à bord du Venture's Home, il y avait 40 ans. Je me remis peu à peu et je fus en état, au bout d'une demi-heure, d'écouter le récit de la tante Sarah. Elle avait près de 70 ans, la pauvre vieille créature, et elle avait toujours aimé à causer. Elle me demanda si ce n'était pas une grande affaire pour la famille qu'Elisa eût fait un tel mariage, et si je n'étais pas fier de penser que ma nièce était une jeune et riche héritière, qui parlait toutes sortes de langues et sortait dans une voiture à elle, et si cela ne devait pas être une consolation pour moi. Mais je lui dis que j'eusse préféré trouver ma sœur mariée à l'homme le plus pauvre de Liverpool, vivante et bien portante, pour me souhaiter la bienvenue à mon retour dans mon pays natal. La tante Sarah me dit que si tels étaient mes sentiments religieux, elle ne savait plus que me dire. Et elle me montra un tableau représentant la tombe d'Elisa, dans le cimetière de Beckenham, qui avait été fait exprès pour elle, par ordre de M. Floyd. Floyd était le nom du mari d'Elisa. Puis ensuite elle me montra un portrait de Miss Floyd, l'héritière, à l'âge de 10 ans, qui ressemblait à Elisa, sauf le tablier, et c'est cette même Miss Floyd que je vais voir maintenant. Et je suis certain, dit le jeune homme qui écoute avec bonté, que Miss Floyd sera bien heureuse de voir son oncle le marin. Eh bien oui, monsieur, je crois qu'elle le sera, répondit le capitaine. Je ne dis point cela pour me flatter, Dieu le sait, car je sais que je suis un particulier assez rude et assez grossier, et qui ne serait pas un ornement dans le salon d'une jeune femme. Mais si la fille d'Elisa est comme Elisa, je sais ce qu'elle dira et ce qu'elle fera, aussi bien que si je l'entendais et la voyais le faire. Elle joindra ses jolies petites mains ensemble, elle passera ses bras autour de mon cou et elle me dira « Seigneur, mon oncle, je suis bien contente de vous voir. » Et quand je lui dirai que j'étais le seul frère de sa mère et que sa mère et moi nous nous aimions beaucoup, elle fondra en larmes et cachera son charmant petit visage sur mon épaule et pleura comme si son pauvre petit cœur allait se briser. « Par amour pour la mère qu'elle n'a jamais connue, c'est ce qu'elle fera, » dit le capitaine Broder, « et je ne crois pas qu'une véritable grande dame puisse faire mieux. » L'auditeur bienveillant en apprit encore bien davantage du capitaine, au sujet de ses plans pour aller à Beckenham réclamer l'affection de sa nièce, en dépit de tous les pères de la terre. « Monsieur Floyd est un brave homme, j'en suis sûr, monsieur, » dit-il, « mais il a tenu sa fille éloignée de sa tante Sarah, et il est probable qu'il va essayer de l'éloigner de moi. » Mais, s'il fait cela, il verra qu'il a affaire à un rude gaillard, dans le capitaine Samuel Prodder. Le capitaine au long cours atteignit Beckenham quand les ombres de la nuit commençaient à s'étendre sur les chênes et les feuillages de Felden, et que les rayons embrasés du soleil couchant s'évanouissaient à l'horizon. Il se dirigea vers le vieux château, dans un cabriolet de louage, et se présenta devant la porte du vestibule juste au moment où M. Floyd sortait de la salle à manger pour finir la soirée dans son cabinet. Le banquier s'arrêta pour regarder avec une légère surprise le costume sans façon, la figure de cuir tanné du marin, et instinctivement, porta la main sur l'or et l'argent qu'il avait dans sa poche. Il crut que le matelot venait lui présenter une pétition pour lui et ses compagnons. On avait probablement besoin d'un bateau de sauvetage sur un endroit quelconque des côtes du Kent. Et cet homme à l'air franc, à la figure bronzée, venait pour récolter des fonds pour cette œuvre charitable. Il pensait cela, lorsqu'en réponse à la question du laquais, le marin prononça le nom de Prodder, et dans le court instant mit à l'articuler. Ses idées se reportèrent à 21 ans de là, à l'époque où il était tombé follement amoureux d'une charmante actrice, qui lui avait avoué en rougissant qu'elle portait ce nom plébéien. La voix du banquier était faible et rauque lorsqu'il se tourna vers le capitaine, et lui dit qu'il était le bienvenu à Felden Woods. « Venez par ici, monsieur Prodder, » dit-il en désignant la porte ouverte du cabinet. « Je suis bien aise de vous voir. J'ai souvent entendu parler de vous. Vous êtes le frère de ma pauvre femme qui s'était enfuie. » Même au milieu du regrettable souvenir de cette courte période de bonheur passé, il y avait un peu d'orgueil, et il ferma soigneusement la porte du cabinet pour dire ceci. « Dieu vous bénisse, monsieur, » continua-t-il en tendant sa main au marin. « Je vois que j'ai raison. Vos yeux ressemblent à ceux d'Elisa. Vous et les vôtres serez toujours les bienvenus sous mon toit. Oui, Samuel Prodder, vous voyez que je sais votre nom de baptême, et à ma mort, vous verrez que vous n'avez point été oublié. » Le marin remercia chaleureusement son beau-frère et lui dit qu'il ne demandait ni ne désirait rien d'autre que la permission de voir sa nièce, Aurora Floyd. En faisant cette demande, il avait les yeux fixés sur la porte de la petite chambre, attendant évidemment que l'héritière parût en ce moment. Il fut terriblement désappointé lorsque le banquier lui apprit qu'Aurora était mariée et demeurait près de Doncaster, mais que s'il fût arrivé 10 heures plus tôt, il l'eût trouvé à Felden Woods. Ah, qui n'a entendu ces mots remplis de banalité? À qui n'a-t-on pas dit que s'il était arrivé plus tôt, ou parti de meilleure heure, ou s'il avait marché plus vite, ou ralenti le pas, ou bien fait ce qu'il n'avait pas fait, le cours entier de l'existence eût été tout autre? Qui n'aurait regardé le passé avec regret? Qui, s'il eût été fait autrement, aurait aussi fait le présent tout autrement? Il nous semble dur de ne pouvoir défaire notre existence par morceaux, comme une couturière fait de son ouvrage, en le défaisant et en rajustant l'étoffe d'une autre manière. Comme nous ménagerions l'étoffe, combien mieux tourné sera le vêtement, si nous avions seulement le droit de nous servir de nouveau de nos ciseaux et de notre aiguille, et de remettre le passé à la mode avec l'expérience du présent. Quand je pense que j'aurais pu venir hier, s'écria le capitaine, mais j'ai remis mon voyage parce que c'était vendredi, si seulement j'avais su. Certes, capitaine Prodder, si vous aviez seulement su ce qu'il ne vous était point donné de savoir, vous eussiez sans doute agi avec plus de prudence, ainsi que bien des gens. Si madame de Beaucarmé avait su que la découverte devait suivre de près la perpétration du crime, et la mort suivre de près cette découverte, il est probable qu'elle eût hésité longtemps avant de préparer la nicotine. Si les parieurs du derby de l'année dernière avaient su que Cataractus serait vainqueur, ils auraient à peine engagé de l'argent sur Beckstone et Marquis. Nous passons la plus grande partie de notre existence à commettre des fautes, et le peu qui reste, à réfléchir avec quelle facilité nous aurions pu les éviter. M. Floyd expliquait un peu gauchement, peut-être, comment il se faisait que la marchande de Liverpool avait ignoré le mariage de sa petite nièce avec M. John Mellish. Et le capitaine marchand annonça son intention de partir pour Doncaster de bonne heure le lendemain matin. « N'allez pas croire que je veuille m'imposer chez votre fille, monsieur, » dit-il, comme parfaitement certain que le banquier craignait une telle visite. « Je sais que sa position est bien supérieure à la mienne, quoiqu'elle soit l'unique enfant de ma propre sœur, et je ne doute pas que ceux qui l'entourent seraient assez tentés de faire la grimace à un vieux loup de mer qui était ballotté et culbuté par tous les vents depuis 40 années. Je n'ai besoin que de la voir une fois en passant et de l'entendre peut-être dire « Dieu, quel drôle de vieille originale vous êtes, mon oncle !»« Eh bien, » exclama Samuel Prodder soudainement, « je crois que si je l'entendais une fois m'appeler mon oncle, je pourrais retourner en mer et mourir heureux, quoique nous ne devons jamais plus revenir à terre. » Ainsi s'achève le tome 1er d'Aurora Floyd par Marie-Elisabeth Braddon.